moi, teraz coś dla was, muzyka François Gilofon. Po przesłuchaniu zrozumcie, z jakim powodem, po co i co w niej było. To dla was. Już? Okej. J'ai le papon face à mi ton aime à se lever. Chouka ma tutu le pacadi à sauver. J'ai mes mapins à côté de ma talofa. Chouka t'amène et regarde une affa sans une offre. Pra papa Jay contre canante on patante. A facile va à drega noga noga noga day. Proc chocatai à sik tamadei. Offi gira et vira mon seta. Seul camadec de noti moi toi. Tanya mieter cadavre katora kasamater gam. Contre amor kalaske vraka. Akrka Jay, akrka Jika Dai. Pra papa say, nai nai. Papa mina ta gina. A to sofa vika day. Kopra kotola katrka neva gata osa. Nei popopeo, popopeo, popopeo heta mei. Fuch tu pak het, a fucha pada het. Ona keca materka, ta kato vara kato łaskę. Braka cię jad, ta braka da kanatkę. Fon, fifon, fifon, fifon, we. Je le papon, pepon, pe nachte. Je la fuch te drka na makete reka tu lovak. Tak sur la pechen tu anti mach. Tak tako to reke revesko, we. Diam te padin, odi diam pande. Fajemo. Thanks.